terre. Toi qui parles la montagne. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Allez, grand porté, occasion. Trois trombos, c'est bien. Vous dites pour le dire, 20%. Ça, tu ne la connais pas. Senta, le 2.50 è... Gracias.